serait peut-être une bonne idée, juste de... Une suggestion de même. T'sais, si on veut, si jamais vous voulez faire jouer de la musique de facture très différente, ce serait peut-être une bonne idée d'essayer de pointer cette espèce de dichotomie qui m'habite, de faire des affaires super concrètes, puis de triper ces affaires hyper abstraites, puis d'essayer de se trouver une place là-dedans, de repos, parce que c'est dur de publier. Alors, on vient d'entendre un amalgame d'extraits d'une entrevue qu'on a réalisée cette semaine avec Stéphane Boucher. Une entrevue réalisée avec Jean-Pierre Gay dans le cadre d'une prestation qui a été présentée dans le cadre du Mois Multi, une prestation de Stéphane Boucher, un artiste multidisciplinaire de Montréal. C'est un compositeur, c'est quelqu'un qui est un performeur, et il est venu dans le cadre d'un cabaret du Mois Multi le 6 février dernier présenter une performance avec ses acolytes Steve Monpetit et André Bourdon. Ça se passait au Cercle et on peut dire que c'était une performance plutôt décerclée, alors extrêmement énergétique, où on a vu une conjugaison à la fois de vidéos en direct avec des images mirobolantes, d'une prestation de Boucher qui tantôt faisait penser à du slam ou encore à de la poésie sonore. Alors, cette semaine, on l'a reçu en entrevue pour l'entendre nous parler de son travail. Alors, avant de vous le faire écouter, je vous souhaite la bienvenue ce soir à l'Accroche-Oreille. C'est l'émission 29 et je cède la parole à Jean-Pierre qui a mené cette entrevue. Alors, Stéphane Boucher, bon matin. Bon matin. Bon matin, au lendemain du spectacle. Comment ça a été hier soir? Ça a très bien été. Cabaret audio, cabaret première audio. Fois à Québec. Comment ça s'est passé? C'est pas la première fois à Québec, là. Écoute. Ben, pour nous. Ben oui, pour vous, là. Mais tu sais, je suis venu à Québec, sous le masque de plein de shows. Okay. Je suis venu il n'y a pas longtemps. Je suis venu jouer au Grand Théâtre avec Usually Beauty Fails de Frédéric Gravel. Alors, Stéphane Boucher, bon matin. Bon matin. Bon matin, au lendemain du spectacle. Comment ça a été hier soir? Ça a très bien été. Cabaret audio, cabaret première audio. Fois à Québec. Comment ça s'est passé? C'est pas la première fois à Québec, là. Écoute. Ben, pour nous. Ben oui, pour vous, là. Mais tu sais, je suis venu à Québec, sous le masque de plein de shows. Okay. Je suis venu il n'y a pas longtemps. Je suis venu jouer au Grand Théâtre avec Usually Beauty Fails de Frédéric Gravel, un chorégraphe pour qui je fais la musique depuis 10 ans. Mm-hmm. Puis j'ai joué ici avec des bands comme Basta en 97, 98, Prix Miroir, je pense qu'on avait gagné. Hey, gros, des médailles pour la musique, c'est toujours quand même assez cool. Oui, oui, oui. Mais oui, non, c'est ça. Je suis passé souvent à Québec. Mais la formation. Cette formation-là, c'est une création très spontanée, cette chose-là. Moi, j'ai réfléchi à la proposition de Christian et du festival pendant quelques mois. Puis là, le dernier mois, on l'a passé à faire une mise en action. J'ai choisi un ami photographe et architecte, Steve Monpetit, pour le contenu, parce que j'aime beaucoup sa facture visuelle. Puis, il comprend rapidement ce qu'on, quand on jase. Puis lui, c'est ça, il est architecte lui-même, donc il a pu participer beaucoup à Sceno. Mm-hmm. Puis à l'assemblage sonore, puis à l'envoi en direct, à l'assemblage vidéo, puis à l'envoi en direct de la vidéo. Puis Jean-Sébastien Nicole, un pote que j'ai rencontré aussi dans la petite communauté des synthétiseurs modulaires à Montréal. Mm-hmm. Comme, c'est des tripeux de machines analogues, des gens qui ont envie de s'éloigner un peu du computer. Mm-hmm. Puis qui font du noise, oui, mais aussi, tu sais, on tend vers l'harmonie pareil, etc. Donc, ces gens-là, j'ai rapidement trouvé qu'on se ressemblait puis qu'on pouvait se comprendre. Puis je leur ai demandé de venir publier leur avis sur Selfosque, bruit personnel. Fait okay. que j'ai comme émis mon idée clairement. J'ai dit, venez émettre votre constat par rapport à ça. Puis on a travaillé de pair avec un Dropbox entre les trois, puis à s'envoyer des images, de l'audiovisuel, puis c'est, on créait tous du visuel, puis on, mm-hmm. on a impliqué un autre photographe, André Bourdon aussi, qui a envoyé du contenu, puis on a envoyé ça. Mais il y a du texte aussi. Il y a du texte aussi. C'est pas juste de la musique, il y a beaucoup de paroles, puis il y a des paroles sensées, on sent qu'il y a un parolier derrière ça. Bien, je dois dire que c'est ça qui m'a fait accepter, j'ai commencé avec un sentiment d'imposture quand Christian m'a parlé de ça, parce que je me considère pas, on se fait une image de nous-mêmes, veut, veut pas, mm-hmm. à se dire, est-ce que je suis un artiste multi ou pas? Je veux dire, la technologie, je travaille avec depuis longtemps, puis ça m'intéresse, puis tout, mais je me suis jamais ramassé dans ces milieux-là, vraiment, t'sais. Parce